Bon, encore là, on va y revenir, surtout au niveau de l'homme et le maître, l'homme ou le maître esclave, de ce phénomène du seigneur du karma et de comment on doit à un moment donné aller leur dire qu'est-ce qu'on pense. Merci beaucoup, Daniel, et je vous remercie de votre bonne participation et je vous invite la semaine prochaine avec les guides de lumière de demain. Merci beaucoup. Bonsoir.